Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 32. De la conception du Christ quant à son principe actif ou formel. Formation du corps du Christ par le Saint-Esprit. En quel sens le Fils de Dieu a été conçu du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas appelé le Père du Christ? Que la bienheureuse Vierge n'a pas participé activement à cette conception. 1. L'Esprit Saint a-t-il été le principe actif de la conception du Christ? L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra en vous. Luc 1, 35. Œuvre de la Trinité tout entière. La formation du corps du Christ est attribuée au Saint-Esprit pour un triple motif. Le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils. Or la marque la plus éclatante de l'amour de Dieu, c'est l'incarnation de son Fils dans le sein virginal de Marie. Dieu a tellement aimé le monde, dit Saint Jean 3,16, qu'il lui a donné son Fils unique. De plus, si la nature humaine a été élevée à l'union hypostatique, c'est par un effet de la grâce, laquelle est attribuée au Saint-Esprit, comme on le voit par cette parole, il y a diverses grâces, mais il n'y a qu'un seul et même Esprit. 1 Corinthiens 12, 4. D'où Saint Augustin dit, la conception du Christ nous manifeste la grâce de Dieu. Enfin, cette appropriation convient au terme de l'incarnation, qui était que le Christ fut à la fois saint et fils de Dieu, double effet attribué à l'Esprit Saint, car les hommes deviennent par lui enfants de Dieu. Selon cette parole, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui y crie, « Mon Père, mon Père ». Il est aussi l'Esprit sanctificateur, d'après le même apôtre, Romains 1. De même donc que les autres hommes sont sanctifiés par l'Esprit Saint pour devenir enfants de Dieu par adoption, de même le Christ a été conçu dans la sainteté par son opération, pour être fils de Dieu par nature. Aussi l'ange, après avoir dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra en vous », ajouta-t-il pour conclusion, « Et le Saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu. » 2. Doit-on dire que le Christ a été conçu du Saint-Esprit? Avant qu'ils eussent été ensemble, Marie fut reconnue enceinte, ayant conçu du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18. Il y a entre l'Esprit Saint et le Christ un double rapport, l'un de consubstantialité, l'autre de cause efficiente dans la conception de son corps. L'expression « conçu du Saint-Esprit » peut servir à exprimer ces deux idées. C'est pourquoi, nous pouvons fort bien dire que le Christ a été conçu du Saint-Esprit, en faisant rapporter la vertu efficiente de l'Esprit Saint au corps pris par le Fils de Dieu et sa consubstantialité à la personne divine qui s'est incarnée. Note. Le corps du Christ n'émane pas de la substance même du Saint-Esprit, comme le Fils émane du Père, il a été conçu du Saint-Esprit, dans le sens qu'il a été formé par sa puissance. Fin de la note. 3. Le Saint-Esprit doit-il être appelé le Père du Christ selon l'humanité? Ce qui se dit de quelqu'un d'une manière parfaite n'en doit pas être affirmé ensuite dans un sens imparfait. Le Christ est le Fils du Père éternel, selon toute l'étendue de la parfaite filiation. Par conséquent, il ne saurait en aucune façon être appelé le Fils du Saint-Esprit, ni le Fils de la Sainte Trinité. Note. Conçu, comme homme, de la Vierge Marie, c'est-à-dire formé de son centre et pur à l'image de notre nature, il est, à juste titre, appelé fils de Marie. Mais, conçu de l'Esprit Saint uniquement comme d'un principe actif qui ne lui a pas communiqué sa propre nature, Il ne peut pas en être appelé le fils. Fin de la note. 4. La bienheureuse Vierge a-t-elle participé d'une manière active à la conception du corps du Christ? Avant la conception, la Sainte Vierge avait d'une certaine façon préparé activement en elle l'accomplissement de ce mystère, mais, dans la conception même, l'Esprit Saint se l'a formé de son sang très pur le corps du Christ. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.